troisième et dernier temps de notre série consacrée à la littérature de témoignage. Aujourd'hui, le documentaire. Lundi, avec l'historienne Judith Lioncamp, nous avons tenté de comprendre ce qu'était la littérature de témoignage au XXe siècle. Hier, mercredi, nous nous sommes demandé comment les croisades avaient été racontées et quel type de sources représentaient les récits de croisades pour les historiennes et les historiens d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le documentaire s'attache donc à une histoire, celle d'un petit livre publié en 2006 par une petite maison d'édition établie à Artignosc-sur-Verdon, un court texte d'une trentaine de pages qui a bénéficié depuis d'un bouche-à-oreille constant. Il est vendu aujourd'hui à 30 000 exemplaires, traduit dans 5 langues, adapté au théâtre de nombreuses fois, en bande dessinée, au cinéma même. Et c'est un texte qui fascine autant qu'il intrigue, une histoire extraordinaire de femmes dans un village sans hommes, suite à la répression par les troupes de Napoléon III de l'insurrection républicaine de décembre 1851, et une mystérieuse auteure, Violette Ayot. Pour les 100 ans du texte, qui a été écrit le 19 juin 1919, l'éditeur organisait des rencontres au monastère de Ségriès. Victor Massé-Lépinay, Thomas Duterre et Laurent Lucas s'y sont rendus. L'homme semence, une moisson d'histoire, un documentaire jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire, avec les témoignages de Jean Darrault, Laura Brignoli, Jean-Marie Guillon, Jean-Christophe Labadie, Rufus, Soumaïla Zungrana, Marie Avril et Maryse Morel. Ça vient du fond de la vallée, bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil le brillant de l'eau entre les iscles. Nous savons que c'est un homme. Ce texte m'a été arrivé par hasard sur moi. Je fais un spectacle en Bourgogne. Dans un lieu où il y a également pas mal de mysticisme dans l'air. C'est pas loin d'un monastère. Et la femme qui organise le spectacle me dit, tiens, elle me donne ça. Et moi, je repars avec ce petit bouquin, que je lis pas tout de suite. Mais à la fin, quand je dis à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le train, ça prend même pas une heure de le lire. Et tout d'un coup, je me dis, mais ça, c'est bien étrange. D'abord, c'est écrit de façon très puissante, et puis c'est simple, facile à comprendre, et surtout, ça ouvre l'esprit, ça ouvre des tas d'horizons. Il y a des embranchements innombrables. C'est un vrai trésor, ce bouquin, ça. C'est tout petit, ça amène beaucoup de paroles, ouais. Ça amène beaucoup d'échanges entre les gens, des échanges très divers, pas de bagarre, bizarrement. Et oui, c'est surprenant. J'ai commencé avec deux livres à faire les marches. Hein, j'étais entre, je me rappelle, entre le saucisson et un gars qui faisait des confitures. Et à midi, il dit, bon les gars, je remballe, j'ai tout vendu. J'ai dit, bon, t'as tout vendu. Oui, j'avais 500 saucissons, je les ai tout vendus dans la... Et de l'autre côté, mon autre voisin, il n'arrêtait pas de me dire, tu me tiens mon stand, je vais au camion. Et il allait réapprovisionner. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, combien t'as vendu de... Il me dit, 1000 pots de confitures. Et moi, j'avais quand même vendu un livre le matin, un livre l'après-midi. Mais... les gens peuvent nous approcher. On est approchables et les gens s'approchent en disant, mais c'est quoi ces livres? C'est vous qui les avez écrits? Non, on est éditeur. Ah bon? C'est quoi éditeur? Pour eux, c'est quelque chose d'inaccessible. Et donc, on peut parler, on peut expliquer ce qu'on fait. Il y a une proximité. Donc, effectivement, un jour, quelqu'un nous avait repéré, est venu nous voir en disant, ben voilà ce qui m'est arrivé. Donc, je suis une dame âgée et j'ai hérité de quelque chose quand j'étais une jeune femme. Mais je l'ai gardé pour moi, parce que, en particulier quand j'étais jeune, c'était une histoire qui n'était pas facile à dire. Ça sent un peu le soufre, on va dire, entre guillemets. Et donc, elle l'a gardé. Et puis, Elle s'est aperçue qu'à la fin de sa vie, quand elle était plus âgée, c'était pas scandaleux. Et elle s'est dit, bon ben, moi je l'ai reçu, un peu par hasard, il faut que je le transmette à d'autres, donc je vous apporte ça. Mais moi j'y suis pour rien, je suis que celle qui a reçu ça et je vous le passe, et je veux pas apparaître dans cette histoire. Et... Oui, c'est surprenant. Donc on peut se demander, bien sûr, qui a écrit ce bouquin. Est-ce que cette Violette Ayot, Ayot, bon, comme de l'ail, et Ayot comme auteur, Violette, comme la lavande, qui pousse par ici. Violette Ayot a-t-elle vraiment existé, ou bien elle n'a pas plus existé que Shakespeare, qui, comme chacun sait, n'a jamais existé, mais... Mais toutes les pièces ont été écrites par un inconnu qui signait Shakespeare. Voilà, c'est ça. L'homme semence, une moisson d'histoire. Victor Massé de l'Épinay, Thomas Duterre. Le saule mort, le 19 juin 1919. J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852, parce que, pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tous ses hommes sans exception. Le dernier est mort le jour de l'armistice, le 11 novembre dernier. Pour nous, les femmes, il n'y a pas victoire, mais vide. Et je joins mes larmes à celles de toutes les femmes, allemandes ou françaises, qui errent dans leur maison sans hommes. Je pleure ces bras perdus, faits pour nous serrer et renverser les brebis lors de la tonte. Je pleure ces mains fauchées, faites pour nous caresser et tenir la faux pendant des heures. J'avais 16 ans en 1851, 35 ans en 1870 et 84 aujourd'hui. À chaque fois, la République nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre, mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. À tant faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué. Alors, ce texte, je l'ai découvert parce que j'ai fait la connaissance de Jean Darrot et que j'ai regardé ses livres. Et l'homme semence, j'ai tourné la quatrième et j'ai dit, bon, c'est sympa. Et ce livre a résonné très fort parce qu'il est sorti à peu près au moment où des historiens et des descendants d'insurgés, des historiens comme Jean-Marie Guillon qui est ici, ont créé une association qui s'appelle l'association 1851 pour redonner vie aux souvenirs de 1851 qui étaient complètement effacés des livres d'histoire. Et pour beaucoup de gens ici, aussi bien dans les Alpes de Haute-Provence que dans le Var, il y a une transmission familiale qui s'est faite. C'est une histoire qui n'est pas dans les livres d'histoire, mais qui est dans l'histoire familiale, oralement. Même si, moi, mon arrière-grand-père, il était illettré, on n'a pas de photo, on a juste le passeport qui donne sa description comme sur un passeport de maintenant. Donc, c'est à la fois un inconnu et à la fois quelqu'un qui a toujours été très présent dans notre famille. Alors, c'est une famille qui était quand même très à gauche, bon, voilà. Et j'ai eu la chance de connaître mon grand-père, donc le fils de l'insurgé. J'ai eu la chance qu'il habite chez nous parce que malheureusement il était aveugle, il est resté longtemps chez nous. Et il m'a raconté l'histoire en détail. Donc pour moi c'est une histoire vivante. Et donc lorsque j'ai lu L'homme semence, j'ai lu à la fois cette histoire qui pour moi a un ancrage dans notre territoire, dans ma vie personnelle. Et en plus, j'ai quand même une conscience féministe qui s'est éveillée il y a fort, fort, fort longtemps. Et cette histoire, elle est magnifique sur le plan des femmes. Elle est magnifique. Donc, nous, on a évidemment été touchés par ce texte. Et on s'est dit, il faut absolument le partager pour deux raisons. Hein. On avait dit, parce qu'il fait connaître l'histoire des républicains qui se sont levés pour défendre la République au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui allait devenir Napoléon III. Et puis, parce que c'est un texte qui parle de la vie de ces femmes qui se sont battues. On parle du désir féminin, on parle de partage, de liberté, de plein de choses magnifiques. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on le publie. Et quand on l'a publié, la première année, on a vendu 50 exemplaires. C'était en 2006. Ouais. Et puis, on s'est aperçu très vite que, par contre, les 50 personnes qui l'avaient acheté ou volé, ils l'ont prêté, il n'est jamais revenu. Donc, ils en ont racheté un autre. Et puis, ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'ils en avaient un, on leur piquait. Donc, un certain nombre de lecteurs, de lectrices en particulier, sont venus en disant, ben, ou chez leur libraire, j'en achète 5, j'ai un sec 10, au moins j'en garde un. Et donc, c'est comme ça aussi que c'est parti. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait un bouche à oreille. Et puis, on a commencé assez vite à avoir des gens qui travaillaient aussi bien dans le théâtre, des conteuses, des liseuses, et puis des graphistes qui sont mis à être inspirés par ça. Et eux aussi l'ont porté. Donc, ça s'est répandu. Et puis, ça a continué. Donc, aujourd'hui, on a dépassé les 30 000 exemplaires vendus. Bon, ce qui est modeste par rapport à Musso et d'autres gens, je dirais c'est la différence qu'il y a entre les cultures avec beaucoup d'intrants, beaucoup de produits chimiques, et puis le bio, quoi. Voilà, c'est pas poussé à l'engrais, quoi. Non fino che si dispugno, non fino che si dispugno. La frusi liri montunarra, montunarra della fenestro, della fenestro. La frusi liri montunarra, montunarra della fenestro, della fenestro. Montunarra della fenestro, della fenestro. Depuis plus de deux ans, nous n'avons plus vu d'homme. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République dont il avait été le président. Ils étaient à peine partis, que dans le vallon, sous le bois du Défend, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de s'enfuir. Oui, je sens encore, mais on n'a pas combien. Nous sommes au monastère de Ségriès, voilà, Moustier Sainte-Marie. Exactement. Et donc c'est un lieu très beau, hein. C'est un monastère, mais qui n'est plus religieux aujourd'hui, puisque c'est un lieu d'école de langue. Hein. Et puis c'est un lieu où les propriétaires, Anne-Marie et Drouve, adorent leur semence. Donc on est toujours les bienvenus ici. Cette rencontre, elle est venue du fait que très rapidement, quand l'homme semence a commencé à être connu par le bouche-à-oreille, assez vite, il y a eu des troupes qui ont commencé à le mettre en scène. Et puis là, on s'est dit, ben, pour les 100 ans de l'écriture, puisqu'il a été écrit en juin 1919, on s'est dit, ben, c'est l'occasion, avec des nouvelles troupes. Donc il y en a une qui vient de Bretagne, l'autre de Bruxelles, une troisième qui vient d'Ariège. Et puis, donc ça, c'est trois spectacles qu'on va voir. Et puis, une quatrième troupe qui va nous montrer ce qu'elle est en train de monter dans le cadre du bicentenaire du peintre Gustave Courbet. Et puis, un metteur en scène qui vient du Burkina Faso. Voilà. Martin et Antoine Jean sont les deux seuls hommes que nous ayons gardés. Deux hommes morts. Deux corps jeunes que nous avons enterrés dans la mer de Galets. Personne, depuis février 52, n'est monté au village. J'ai appris qu'il y avait un sale bonhomme qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, le badingué, il disait, mon grand-père. Et il disait aussi Napoléon le Petit. Donc ce triste sire s'était arrogé le droit de détruire la Deuxième République alors qu'il y avait une clause dans la constitution de la Deuxième République qui disait que les citoyens doivent défendre la République au prix de leur vie. Donc, ces insurgés-là, et ce qu'ils ont transmis à leurs enfants et à ceux qui ont suivi, c'est que ce n'étaient pas des insurgés. C'était des citoyens qui se dressaient pour défendre leur République que l'usurpateur avait détruite. Et quand on se place dans l'histoire républicaine du 19e siècle à cette époque-là, 48, la Deuxième République, c'était une merveille. C'était la sociale, c'était la République, c'était la merveille des merveilles pour tous ces républicains. Et il y a un texte magnifique de René Merle sur le site de l'association 1851, où c'est un préfet qui dit « En fait, les Basses-Alpes, c'est notre Algérie de l'intérieur. Et le Basalpin, il a les mêmes défauts que l'arabe. Il est obstiné, il est menteur, il est fou. » Ce texte est une merveille. Pausarsi la balanza is l'uggiunchi l'usamis du bezzas catribins. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est qu'à la suite du coup d'État du 2 décembre, les républicains des départements méridionaux, de l'Ardèche au Var et du Var jusqu'à l'Hérault et à l'Aude, qui étaient organisés clandestinement dans des sociétés secrètes héritières des chambrées, qui étaient très nombreuses dans ces régions, ont décidé de mobiliser leurs troupes pour défendre la Constitution, puisque la Constitution a été violée par le coup d'État. C'est un président de la République élu en décembre 1948 qui, ne pouvant pas se représenter aux élections de 1852, décide de bafouer la Constitution et de se maintenir au pouvoir. C'est donc une insurrection pour le droit, pour le respect de la Constitution, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement particulier et d'extrêmement original, totalement atypique d'ailleurs, ce qui expliquera qu'en partie que sa mémoire soit peu entretenue puisqu'elle ne correspond pas à une révolte canonique telle que, notamment chez les marxistes, on en a entretenu la représentation. Donc, mobilisation à partir du 4 et d'abord prise de pouvoir au niveau communal. On chasse les municipalités qui avaient été nommées par les autorités en remplacement de municipalités républicaines. On saisit les armes de la garde nationale quand on peut en trouver. Dès le 5 décembre, Fort-Calquier, sous-préfecture, est prise par les insurgés. Sisteron, sous-préfecture, a été prise aussi. Donc les colonnes convergent vers Digne. Et le 7 décembre, alors que la neige commence à tomber, 7 à 8 milliers d'hommes qui convergent. Les quelques troupes reculent. Et par conséquent, le préfet s'en va. La préfecture est occupée. C'est la seule préfecture qui est occupée par les insurgés dans les divers départements français. Martin était mon amoureux. Mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé, lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je boustillé depuis des années pour lui montrer mon attirance ? Une fois. Une seule fois. Je lui ai laissé caresser à travers le tissu de ma blouse mes seins de femme déjà prête à l'amour. Déjà prête à se gonfler d'enfants. C'était le 20 décembre 1851 pour la fête du solstice d'hiver qui salue la fin des jours qui raccourcissent. Le soir, nous avions dansé autour du feu malgré la tristesse de l'échec du soulèvement républicain. Ce même jour, mon père, notre mère, n'a pas voulu organiser le vote demandé par le nouvel empereur pour nous faire plébisciter son coup d'État. Le village était en colère, seul des bulletins oui avaient été imprimés par l'administration de l'illustre prince. Comme tous les hommes, qui était revenu moins de 10 jours avant de la bataille victorieuse des républicains du département au Mai contre le bataillon du 14e léger. Martin avait bu. Beaucoup. Pour oublier l'humiliation de la République renversée. au Metz le 9 décembre 1851, alors que les colonnes républicaines s'étaient emparées de la préfecture, ce qui est quand même la gloire de ces républicains des Basses-Alpes. Alors que le 9 décembre, ils ont appris que les troupes venues de Marseille montaient dispersées, et 3 à 4 000 républicains sont venus barrer la route ici au Metz, puisque entre les collines qui entourent le village et la vallée de la Durance, il y a un resserrement qu'on appelle le défilé des Metz. Et donc, au matin du 9, ces insurgés, qui étaient là depuis la veille, dans un froid intense, ont arrêté la colonne. Le chef des insurgés, Ayot de Volx, a tenté de parlementer avec les officiers et il a été fait prisonnier avec quelques-uns de ses camarades qu'il avait accompagnés. Ils ont été molestés d'ailleurs. Puis finalement, par peur, les officiers ont admis de les libérer, pensant que les insurgés se disperseraient. Or, les insurgés ne se sont pas dispersés, il y a eu échange de coups de feu, et ce sont finalement les troupes qui ont reculé, et mieux que ça, une colonne de soldats tentait de prendre les insurgés à revers, et ont été faits prisonniers, deux officiers et une vingtaine de soldats, par les insurgés. Donc c'est la victoire des Metz. Les troupes reculent, mais les insurgés ont perdu. Ils sont seuls. Le reste de la France ne s'est pas soulevé, ou bien a été réprimé, donc... Le soir même du 9, les chefs de l'insurrection des Basses-Alpines décident la dispersion des insurgés, sauf Ayot, qui tente avec quelques-uns de ses hommes à continuer le combat, ou du moins à essayer. Votre arrière-grand-père, il a été réprimé ? Ah oui, il est parti en Algérie, au bagne. Et il en est revenu ? Par erreur. Parce qu'il s'appelait Joseph Morel. Il y a un Joseph Morel de Vinon qui a été gracié. Et on a rapatrié mon arrière-grand-père au lieu de rapatrier le bon. Et donc, comme une fois qu'il a été là, on l'a assigné à résidence, on ne l'a pas vu repartir. Il avait quand même été condamné à 5 ans. Il y avait 5 ans, 10 ans ou Cayenne. Vous savez qu'il y a eu quand même presque 2000 arrestations dans les Alpes de Haute-Provence. Et avec le Var, ça fait plus de 3500 personnes qui ont été jugées par un tribunal d'exception. Ces gens, ils parlaient provençal. Ils ne parlaient pas le français, ils ont été interrogés en français. Donc ils se sont fait ratatiner, hein. Ils étaient condamnés d'avance, quoi. Et il y a une histoire qui est très intéressante, parce que ça nous rejoint quand même. C'est que mon arrière-grand-père, quand la Troisième République est arrivée, il y a eu vers 1860 et quelques, une commission de réparation où la Troisième République a décidé de verser aux insurgés qui avaient été déportés, qui avaient eu un préjudice, une pension de compensation. Et donc mon arrière-grand-père a touché 1000 francs par an. Il devait aller chercher en main propre à la mairie. Alors lui, il est mort en 99, donc il a touché un certain temps. Et puis après, sa veuve, qui était plus jeune que lui, l'a touché jusqu'en 1936. Donc mon père aussi se souvenait d'avoir été à la mairie d'Obs en cortège avec la grand-mère devant, les fils derrière et les petits-enfants en cortège, chercher ce qui ne représentait plus rien à l'époque. 1000 francs, c'était plus rien en 36, mais c'était symboliquement très fort. Voilà. Mes amis ont créé l'association 1851 pour deux raisons. D'abord, parce que nous avions le sentiment que cette mémoire, que nous avions redécouvert d'ailleurs par des travaux d'historien, Maurice Agulon, s'était perdue, et qu'il fallait par conséquent l'entretenir, d'autant plus que le Front National avait fait des scores au municipal particulièrement inquiétants pour nous, enfin inadmissibles même pour nous par rapport à l'histoire de cette région. Donc, l'association a été créée ici, au Metz, en 1997, et avec un objectif, outre l'entretien de la mémoire, la résurgence de la mémoire en 51, le 150e anniversaire, en 2001, de cette insurrection. Ce 150e anniversaire a été un succès inattendu. Nous avons été relayés par de nombreuses municipalités qui ont inauguré des places, des rues, des ronds-points. Alors c'est peu de choses, mais ça maintient dans cet environnement politique inquiétant une présence. Et alors, 5 ans après ce 150e anniversaire de l'insurrection, est paru aux éditions Parole ce petit texte, L'homme semence. Comment est-ce que vous et les autres membres de l'association avez accueilli ce texte ? Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé d'emblée ? Ce que l'on a pensé, c'est que c'était un beau texte littéraire. Et c'est uniquement de cette façon-là que je peux le juger. Il avait cet avantage, certes, de renvoyer aux événements. Il se situait dans le contexte terrible de la répression de l'insurrection, puisqu'il faut penser que dans ce département qui n'est pas très peuplé, il y a près de 3000 hommes qui ont été arrêtés. Donc cette espèce d'hiver de la répression dans lequel se situe l'histoire renvoie à cet événement. Et ça nous a intéressé. Mais d'abord, c'est un texte littéraire qui est, à mon avis, un texte tout à fait magnifique, mais dont je n'anticipais pas du tout l'extraordinaire succès. Le temps passe, et il se trouve que les hommes ne reviennent pas. Elles ne savent pas où ils sont, elles ne savent pas s'ils sont morts, elles ne savent pas s'ils vont revenir. Et donc, plus le temps passe, plus elles vont souhaiter se réorganiser, évidemment, puisqu'il faut s'occuper des enfants. Il y a des enfants dans le village, il faut s'occuper de la terre, il faut faire les travaux des champs, reprendre la vie sans les hommes. Et puis, à un moment donné, à force de passer du temps entre femmes, elles se parlent beaucoup, elles se retrouvent sous les arbres à discuter une fois que les enfants sont couchés. Et puis là, elles décident de passer un pacte et de dire que le jour où un homme arriverait dans le village, il faudrait se le partager. Il faudrait se le partager pour perpétrer la vie et enfanter. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de ce pacte, dans ce contexte historique-là, et le désir de vie, malgré le contexte. L'homme finit par arriver, et là évidemment c'est un petit peu bouleversant, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et ce dont on ne s'attend pas vraiment, c'est aussi qu'il va mettre sa main sur le bras de l'une d'elles, qui est donc Violette Ayot, qui a écrit le récit. Et la petite règle qu'elle s'était donnée entre elles, c'est que la première femme qu'il va toucher, c'est elle qui va devoir s'en occuper, qui va devoir présenter le pacte qu'elles ont fait entre elles, et elle va devoir lui annoncer que ce sera un homme à partager entre elles toutes. Et en effet, cet homme arrive, il touche le bras de Violette. Et là, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle va tomber amoureuse de cet homme. Donc la grande question va se poser du partage ou non, et du respect surtout du pacte passé avec ses amis du village. Voilà. Vous dites, Jean-Marie Guillon, que ce texte est un texte littéraire. Est-ce qu'un village dont tous les hommes ont été raflés, c'est quelque chose dont on a trace quelque part? Non. Évidemment, non. Les villages sont divisés. Le clivage, d'ailleurs c'est le clivage politique qui va perdurer jusqu'aux années 60 dans notre région, c'est le clivage entre les blancs et les rouges. Chaque village a sa minorité blanche, en général, sauf certaines zones de Provence, où là c'est l'inverse, les Vendées provençales, où là les rouges sont minoritaires. Mais donc les villages sont clivés, et par conséquent, dans aucun village, tous les hommes n'ont disparu. Nous sommes effectivement dans un procédé littéraire. Dehors, à deux pas du village, éclate un violent coup de tonnerre, en même temps que le ciel se rompt pour libérer la pluie que nous attendons depuis des mois. Mon barrage cède et c'est la débâcle en moi. Je me jette sur Jean, forte de cette certitude de la vie que nous, les femmes, avons, qui nous fait marcher d'un pas décidé et franchir n'importe quelle barrière. Je prends, je mords, je frappe, je ne sais plus où je suis. Je disparais, je perds conscience. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Laura Brignoli, vous êtes professeure de littérature française à l'université Yulm à Milan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que l'année dernière, j'ai connu ce petit texte très bref, à travers une mise en scène qui en avait été faite à Milan par une actrice très connue qui s'appelle Sonia Bergamasco. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ce livre parce que ça a été un coup de cœur. C'est un livre avec une histoire qui m'a passionnée immédiatement. C'est une belle histoire sans doute, mais il n'y a pas qu'une belle histoire. C'est une histoire bien écrite. Le troisième chapitre est dédié au terroir, à ce village, cette montagne, hein, ce village qui se mérite. Et c'est un chapitre très dense où Violette, la protagoniste, fait l'amour avec la terre. Ça, c'est merveilleux d'une part, et d'autre part, tragique. Parce que ce rapport intense qu'elle a avec la terre, elle le vit dans la conscience de la stérilité de ce rapport. Donc il y a en arrière-fond la figure masculine qui manque, qui fait défaut, et qui va arriver justement, qui est déjà arrivé, parce que ce troisième chapitre est un chapitre qui révèle les antécédents. Vous dites Violette la protagoniste, vous ne dites pas Violette l'auteur. Non. Qui a écrit L'homme semence, Laura Brignoli? Voilà, on va monter dans mon bureau peut-être, voilà, pour suivre donc cette enquête. Voilà, je vous passe ça. Hein. Jean-Christophe Labadie, vous êtes le directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Oui, ils sont donc installés à Digne et dans un bâtiment qui a une vingtaine d'années. Voilà, nous sommes dans mon bureau. Donc, alors évidemment, j'ai sorti un petit peu quelques ouvrages sur 1851, voilà, pour évoquer donc cette énigme au niveau local, mais qui dépasse aussi ce cadre local pour effectivement prendre une dimension nationale, qui est donc ce fameux roman témoignage qui aurait été écrit par Violette Ayot, hein, donc le fameux Homme semence. Alors en fait, cette personne, donc cette femme, qui donc vit en fait les événements en 1852, en fait, pose deux problèmes. D'abord, c'est quelqu'un d'un milieu populaire, et puis deuxièmement, c'est une femme. Or, quand on regarde bien les archives, les personnes de milieu populaire, on les retrouve, mais on les retrouve plutôt dans les archives judiciaires, vous voyez, dans les archives un petit peu, on va dire, où la vision est un peu négative, mais autrement, leur vie ordinaire est très difficile à atteindre, et puis en plus, c'est une femme. Or, à bien y réfléchir, les femmes sont un peu les absentes des archives anciennes ou modernes. Donc effectivement, c'est déjà une difficulté. Mais est-ce que si cette femme est morte, on doit normalement retrouver des traces de sa vie civile? Alors évidemment, normalement, il y a l'état civil déjà. Donc ça serait la première démarche à faire, effectivement, c'est aller dans les magasins qui se situent donc au premier niveau, où il y a l'état civil du village du Poil, de la commune du Poil, pour voir effectivement si on a une Violette Ayot. On va y aller. J'aime le village dans lequel je suis née, au cœur duquel j'ai vécu presque toute ma vie. De loin, il semble être posé sur la plaine. Lorsqu'on l'approche, on le trouve sur un promontoire, entouré d'entailles profondes, comme si un géant avait biné autour de lui dans la mer des Galets. Notre village se mérite. Donc c'est par ordre alphabétique. Hein. Oraison, Riez, donc je suis un petit peu loin, donc c'est ici. Et voilà donc les registres du Poil. Alors, on va regarder. 35, donc, j'ai pris le registre donc, des années 1833-1852, donc c'est le registre des naissances, des mariages et des décès. Vous voyez, on a un écart, Alphonse, Aubert, Augustin, Blanc-Marie. Pas d'Ayot. Et pas d'Ayot. Donc, on peut dire déjà que. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on peut dire qu'effectivement, elle n'est pas née au Poil. On pourrait aussi regarder les recensements. Donc, qui sont faits régulièrement, pour effectivement, si dans la liste des personnes recensées, on aurait des familles Ayot, par exemple, hein, pour voir si cette personne, qui serait peut-être pas née forcément au Poil, mais qui se serait peut-être installée après, apparaît. Voilà, c'est aussi une façon de chercher. Ah, vous voyez, donc on a 315 personnes, quand même, qui vivent dans la commune du Poil, hein, ce qui est considérable. Alors la difficulté, c'est qu'apparemment, elle était institutrice. Hein, d'après ce qu'elle explique, qu'elle a enseigné le français. Or, le problème, c'est qu'une institutrice, à l'époque, ça bouge. Et donc, la troisième idée, c'est comme si elle était institutrice, Et comme a priori elle aurait fait toute sa carrière dans le département, elle a forcément un dossier d'institutrice. Et donc la troisième étape, oui, parce qu'on rentre un petit peu, c'est d'aller voir si elle a un dossier d'institutrice. Et donc on va aller voir s'il y a une institutrice qui s'appelle Ayo. Ça fait 5 ans, Marie-Avril, que vous avez créé le spectacle qu'on a pu voir cet après-midi, voilà. où vous incarnez Violette Ayo. Mm-hmm. Comment est-ce que vous la connaissez, Violette Ayo, pour vous? Qui est-elle? Alors, Violette Ayo, pour moi, dès que j'ai découvert le récit, moi, je me suis mise à pleurer. J'ai trouvé ça fabuleux. Et puis voilà, j'ai fait ma route avec ce personnage de Violette. J'avoue, j'ai pas souhaité me poser plus de questions que ça. Et je l'ai simplement incarné, et je pense clairement qu'il fait partie de ma chair aujourd'hui, ce personnage. Pour la petite histoire aussi, il se trouve que pendant ces 5 ans de tournée, mais il y a un moment, je suis tombée enceinte, et j'ai joué ce spectacle enceinte de 7 mois. Et alors, évidemment que la portée du texte a pris des proportions incroyables, et pour l'avoir beaucoup joué, je pense que les soirs où j'étais enceinte, le public est venu me voir en larmes, en me disant que c'était extrêmement émouvant de me voir enceinte jouer ce texte. Et il se trouve que quand je fais encore le texte aujourd'hui à mon fils qui a aujourd'hui 2 ans, il est tout fou, j'ai l'impression qu'il a vécu avec moi ce moment sur scène. Et du coup, voilà, ça avait une autre portée aussi, puisque je lui parlais à mon enfant dans mon ventre, et c'était quelque chose d'extrêmement fort. Voilà, alors là vous avez beaucoup de Ayo, en fait. Oui, parce que Ayo, c'est un nom... c'est un nom de la région, évidemment. Ouais. Et alors, le Ayo le plus connu de ce département, des Alpes de Haute-Provence, qui étaient donc les Basses Alpes, c'est André Ayo. Alors là, pour le coup, lui, il a existé, le fameux Ayo de Volx, qui est l'un des meneurs de l'insurrection, sans doute le principal meneur de l'insurrection, qui a été donc déporté en Guyane, qui est mort en Guyane, hein, au bagne. Alors là, voilà, j'ai un homme, Jean-François Ayo. C'est extraordinaire quand même. Hein. On tombe sur un autre Ayo, hein, qui n'est pas du tout cette personne, mais qui lui-même, un instituteur, déporté en Algérie. Donc c'est un meneur, hein, et donc révoqué de l'enseignement. Voilà, Ayo Jean-Marie. Là, on a une Marie-Joséphine Ayo. Donc celle-ci, apparemment, est restée célibataire. Elle a d'ailleurs elle a été révoquée aussi de l'enseignement pour d'autres raisons. Accusée de relations coupables avec le curé, est obligée de donner sa démission, va accoucher à Marseille. Voilà. Donc c'est une affaire un peu compliquée, qui est fort intéressante, hein, parce que je l'ai lu. Le curé aussi a eu quelques ennuis. Hein. Un dernier Ayo, voilà. Et puis quand vous regardez, ben, il n'y a plus de dossier. Et donc il n'y a pas de dossier qui porterait donc sur notre fameuse Ayo, hein, qui aurait écrit ce fameux homme semence. Donc, oui, donc en cherchant des Ayo, et on trouve sur 8 ou 9 Ayo qu'on peut trouver avec le LH, hein, comme s'écrit Violette Ayo, on trouve des histoires tout à fait singulières. On retrouve toute l'histoire de France à travers des destins tout à fait ordinaires dans un département qui, a priori, n'est pas un département tout à fait central dans l'histoire de France. Je ne dis pas que Violette Ayo n'a pas existé. En tout cas, ce qu'elle dit sur son existence n'est pas vrai. Voilà. Parce qu'après tout, ça pourrait être un affabulateur, enfin une affabulatrice, hein, pourrait nous avoir inventé une histoire en disant « je suis née au poil alors qu'elle n'est pas née au poil, j'étais institutrice alors qu'elle n'a pas été institutrice ». Vous voyez, ça pourrait être une fiction, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui crée une fiction à partir de sa propre existence. Vous voyez, donc c'est l'une des difficultés. Voilà. Mais pour un archiviste, peut-être même un historien, compte tenu des éléments dont on a fait la vérification, on peut quand même penser qu'elle n'a peut-être pas existé. Régulièrement, on a des gens qui posent la question. Et tout aussi régulièrement, il y a toujours des gens pour dire, au bout d'un moment, que quelqu'un continue à gratter, les autres disent, bon, écoute, on s'en fiche, ce qui compte, c'est ce texte, nous, on l'aime, et on s'en fiche de savoir qui c'est. On a décidé, nous, par, je dirais, presque contrat avec la personne qui nous l'a amené, de la protéger, et de protéger l'auteur. Voilà, Violette Ayo, on n'en trouve aucune trace, c'est peut-être même pas son nom. Il y a un certain nombre de gens qui ont écrit sous des noms d'emprunt. Alors, j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché Violette Ayo. J'ai découvert que c'est un nom qui n'existe pas. C'est un beau nom. Vous savez, je suis italienne. Et Violette, ce n'est pas seulement une couleur. Si on le lit à l'italienne, c'est Violette. Je vous ai lu. Alors, j'ai eu à un certain moment l'idée que l'auteur ou l'autrice de ce texte est quelqu'un qui a beaucoup lu des œuvres de ce territoire, qui a donné des écrivains importants, Giono, je cite Pierre Magnan, sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Et alors, c'est une histoire qui n'a pas été pensée par une femme du 19e siècle. Le langage de cette histoire est moderne, c'est une histoire d'aujourd'hui, mais qui raconte une histoire mythique, une histoire universelle, voilà. Et c'est sa force. Je dirais comme ça, homme semence en moré, je dirais ro kaboudou. Kaboudou, c'est semence. Vous êtes burkinabé ? Oui, burkinabé. Alors, qu'est-ce que ce texte de l'homme semence ? Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous l'avez découvert et pourquoi est-ce qu'il vous a donné envie de le mettre en scène ? La découverte de l'homme semence, c'est depuis 2015. J'étais un peu sur un projet donc, de collectage de récits de vie dans le Tarn, et chez un ami qui s'appelle Oliviero Vendraminetto, et qui avait donc ce texte-là déposé sur sa table. Donc j'ai pris et j'ai vu l'homme semence. J'ai dit, ben, c'est quoi ce texte? Et j'ouvre la première page, je vois des livres à ne pas mettre entre les mains de tous les hommes. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Donc sans me rendre compte, je suis à la fin donc, de ce petit bouquin de 32 pages, je dirais comme ça. Je dis, waouh! L'histoire que ça raconte, et après une insurrection, parce que le Burkina Faso venait de sortir donc, d'une insurrection en 2014, et en 2015, le peuple était encore dans la rue pour empêcher un coup d'État à manquer. Donc, avec tout ça qui fait écho dans ce texte, ça m'a un peu porté, et le combat pour moi que ces femmes mènent dans ce texte, qui fait aussi écho avec donc, des combats menés par des femmes de chez moi, j'ai dit, waouh, ce texte, il faut que je le mette en scène. Tout va aller très vite. Je pensais que les choses seraient plus difficiles. Dès cette première aube, je suis fidèle à mon serment. Je pense qu'il faut absolument que je le fasse tout de suite, sinon je ne serai sans doute plus capable de le faire. J'explique aux gens ce que nous attendons de lui. Jean est un homme intelligent, je le constate immédiatement. Il m'écoute sans m'interrompre et j'en suis soulagée car je veux tout lui dire d'une traite. À la fin, je le regarde... inquiète, il sourit et dit sans hésiter « Je ferai ce travail. Je ferai ce travail parce que c'est un travail d'homme et que je ne vois pas d'autre homme ici. Je ferai ce travail avec conscience car j'aime le travail bien fait. Je ferai ce travail avec plaisir aussi car j'ai toujours du plaisir à faire ce qu'il y a à faire. Mais je ferai ce travail sans amour car l'amour, je le garde pour nous. » Il y a aussi dans notre patrimoine culturel l'histoire de Don Juan qui est très forte. Alors Don Juan, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cet homme qui veut toutes les femmes, etc. Alors il veut un harem. Alors non, c'est mal, c'est pas bien. Il faut être l'homme d'une seule femme, etc., etc. Bon, toute cette histoire. Et là, l'opportunité est offerte par l'homme semence. Oui, il peut avoir un harem. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui veut, c'est qu'on lui a demandé, et puis qu'il n'a pas le choix. Voilà. Donc là aussi, il y a aussi une lecture. Qui a écrit ce texte ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un homme déguisé en femme pour raconter le cadeau inouï d'être le seul homme de tout un village de femmes qui vont être à lui ? Ouais. À moins que ce soit lui qui soit leur prisonnier. Alors ça, c'est l'autre histoire. Mais quelquefois, Don Juan, il a une mission, il doit s'occuper des femmes. Il y a eu dans la discussion qui vient d'avoir lieu, justement, des questions sur ce côté féministe. Oui. Est-ce que vous diriez que l'homme semence est féministe ? Certaines personnes ont dit des féministes radicales sont heurtées par ce livre, peut-être parce que on peut dire que ce livre, d'une certaine façon, résumerait la féminité ou le fait d'être femme au fait d'enfanter. Moi, je trouve Pas du tout. Pas du tout, parce que ces femmes se retrouvent seules pour des raisons politiques. Elles n'ont pas choisi de se débarrasser des hommes. C'est pas elles qui les ont larguées pour faire une communauté de femmes. C'est la vie qui les a conduites à ça. Elles ont elles aussi une conscience politique. Et je pense que, bon, elles s'attaquent aux travaux des champs, elles les font, elles essaient. Et il me semble que dans le contexte historique où c'était, c'était important de donner la vie. Même si on peut considérer que, voilà, c'était important de donner la vie. Et avoir un homme, c'était quand même à cette époque-là le seul moyen. Il n'y avait pas de petites paillettes, de banques de sperme et de choses comme ça. Donc il n'y avait pas d'autre solution. Et je trouve que c'est très féministe dans le sens où elles font passer le pouvoir de la vie par une organisation sociale et communautaire qui permet d'assurer la vie. Donc c'est des femmes qui se prennent en charge, qui se laissent, elles prennent le relais des hommes pour s'inscrire elles aussi dans l'histoire, garder la mémoire, garder la terre. Enfin, ça me paraît très fort, voilà. Est-ce que vous imaginez que cette histoire de femmes qui partagent un homme pour toutes être enceinte, avoir des enfants, est-ce que ça, vous imaginez déjà l'écho que ça peut avoir dans la société burkinabé, aux gens à qui vous allez le montrer? Est-ce que c'est quelque chose qui veut... Comment est-ce que vous sentez que ça va être reçu? Je laisserai peut-être ça aux réactions des gens de là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà au Burkina, nous avons peut-être l'habitude donc, d'affronter plusieurs formes donc, de spectacles, plusieurs formes donc, d'activités artistiques. Donc que ce soit au niveau danse, au niveau théâtre, il y en a plusieurs. Et moi-même particulièrement, j'ai joué dans un texte, donc Lysistrata, qui est un peu la grève du sexe. Aristophane. Qui a bien été accueilli au Burkina Faso, mais quand tu le regardes de dehors comme ça, ça semble être effrayant, mais ça a été bien accueilli. Donc pour moi, je laisserai plutôt ce truc au public. Mais je suis ouvert aussi à la discussion parce que pour nous, on va aussi mener peut-être après le spectacle, donc un débat, un échange avec les gens qui viendront voir le spectacle. Pour vous, Soumaïla Zungrana, qui est Violette Ayo? Ma mère, tout simplement. Pourquoi? Toute femme, pour moi, c'est ma mère avant tout. Et donc, Violette Ayo qui a écrit ce texte que je porte. Donc c'est pour ça que je dis, c'est ma mère. L'homme est dans notre village de femmes et ma violence me tombe des bras. Le premier soir, nous le logeons dans un petit jas à l'entrée du village. Nous ne savons pas qui il est. L'homme lit. C'est ce que je découvre en lui portant son souper. Il lit et c'est rare. Cette découverte fait battre mon cœur. Pour moi, un homme qui lit ne peut être qu'un homme bon. Et puis, c'est une chose que nous avons en commun. Ma raison y voit un signe d'encouragement pour mes sentiments. Je suis arrivé à pas de loup et il ne m'a pas entendu venir. Je l'observe un moment en secret. Je vois son sourire naître des mots qu'il lit. Je repense à nos 5 livres que mon père m'a envoyés cachés lors de l'entrée des gendarmes au village. Je repense à mes heures d'apprentissage de la lecture avec mon père quand j'avais 5 ans. Je repense au plaisir de lire et de relire, de savourer les sons des poèmes lus à tue-tête, seuls dans les champs, quand le vent bouffait. Je repense à ma mère criant après mon père que les idées de poésie me tourneraient la tête. Je repense à mon père éclatant de rire en embrassant ma mère pour la faire taire. Soudain, la main de l'homme se pose sur mon bras et m'arrache aux pensées qui m'entraînent sur la pente mélancolique du passé. Je sursaute et le repousse. Qui es-tu? Le fait de cacher l'auteur, le véritable auteur, homme ou femme qu'il soit, c'est une force supplémentaire. D'abord, ça aiguise l'intérêt du livre et d'autre part, ça contribue à sa diffusion, à sa prise en charge par d'autres. Qui est? Je ne sais pas. De toute façon, nous avons un éditeur qui fait beaucoup pour ce texte. Un homme qui, s'il veut, sait écrire, mais c'est une hypothèse qui ne trouve aucun fondement véritable. le titre étant l'homme semence, c'est plus qu'une semence pour avoir des enfants. Il en a fait ici, dans ce lieu, une semence pour amener de la conscience, pour amener de la conscience sur les choses fondamentales. Donc on peut dire que lui, Jean, ce Jean-là, l'éditeur, est un homme semence. Parce que ça fait des années que ça dure, et ça continue toujours à attirer les curiosités de plein de pays du monde, en fait. Il a été traduit en allemand, c'est nous qui l'avons publié directement. Et ensuite, il a été publié en italien, c'est comme ça que Laura Prignoli l'a découvert, en italien, puis ensuite en suédois. Ensuite, il a été publié en espagnol, mais en espagnol d'Amérique latine, par une petite maison d'édition italo-chilienne. Ensuite, on est revenu en Europe, puisqu'elle a été publiée en néerlandais, et il vient d'être publié en Espagne. Voilà. Et puis, il a été traduit, mais c'est nous qui allons sans doute publier, par Nancy Houston en anglais, et donc ça, c'est sans doute pour la fin de l'année. Voilà. Et puis, ça continuera. On a eu des approches par des gens de pays encore différents, comme la Roumanie. Des choses aussi comme ça, ben on verra, et il va continuer à vivre et à se propager comme ça jusqu'à recouvrir la terre entière. Merci à Maryse Morel, Laura Brignoli, Marie Avril, Jean-Christophe Labadie, Jean-Marie Guillon, Soumaïla Zungrana, Rufus et Jean Darrault. Merci également à Julien Lopez, Zoé Rodriguez et Antonin Lartaud de la compagnie La Gouaille, ainsi qu'à la compagnie du Simorgue, à la compagnie Ocus et à la compagnie Les Crus. Merci enfin à Anne-Marie et Drouve du monastère de Ségriès et à Martine et Michel Barbet pour leur accueil à Allemagne en Provence. Prise de son Laurent Lucas, mixage Olivier Dupré. L'homme semence, une moisson d'histoire, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Thomas Duterre. Voilà donc pour notre dernier volet de notre série sur la littérature de témoignages. Un livre donc écrit en 1919, c'était il y a 100 ans. Et des témoignages, eh bien, le centenaire de la Première Guerre mondiale en a fait ressurgir partout en France, partout dans le monde. Ça sera au cœur des deux journées de colloque aujourd'hui et demain organisées par la mission du centenaire. Il était une fois le centenaire, c'est à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et je vous conseille de vous y rendre pour savoir exactement quelle a été cette moisson de témoignages pendant plus de 4 ans, donc qui a été recueilli dans tous les pays qui ont participé de près ou de loin à la Première Guerre mondiale.